creatine activation, oral discrimination of le, la. You will hear a series of phrases containing a noun preceded by le or la. In each case, indicate which article you hear by checking the corresponding box. 1. Nous allons apprendre le français. 2. Le professeur va proposer un jeu. 3. Le jeu va être amusant. 4. Nous allons choisir la nationalité des jeunes gens. 5. Le jeune homme va être américain. 6. La jeune fille va être française. 7. Nous allons imaginer la rencontre des deux jeunes gens. 8. Où vont-ils se rencontrer? Dans la rue, peut-être? 9. Ou bien, ils vont se rencontrer dans le jardin du Luxembourg. 10. Peut-être devant la fontaine Médicis. 11. Ou alors devant le Sénat. 12. Ou peut-être en haut de la tour Eiffel.